18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Convergence. Toute l'équipe est ravie de vous retrouver pour une heure d'émission. Vous nous écoutez sur le 89.5 sur la bande FM et également sur le site crocradio.com. Il y a d'ailleurs un nouveau player, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook en recherchant Convergence, vous nous retrouverez où vous pouvez réagir. Donc si vous aimez un morceau, n'hésitez pas à en parler. Programme du jour, un back-to-back avec toute l'équipe. On se retrouve à la fin pour l'agenda. On vous souhaite une très bonne émission. Thank you. damn fine cup of coffee. We'll be right back. Voices inside my head. It's Voilà, notre émission est terminée. On vient d'écouter un morceau de Cranigno dernièrement composé. Merci à lui. Et tout de suite, l'agenda. Merci Yoz pour m'avoir introduit. Donc déjà, je sais qu'on nous écoute sur Lyon. Donc un petit dédicace à Camille, Mika et Alessandro. Voilà, ils se reconnaîtront. Alors, pour l'agenda... On va vous parler du festival, donc c'est la 20e édition du Riddim Collision. Donc 20e édition, ça fait 3 jours qu'ils font la fête. Ils ont circulé entre la plateforme, Sirius, Marquis, Ninkasi, voilà, donc les plus gros noms sur plus grosses boîtes club, péniche sur Lyon. Donc ils terminent ce soir au Transborder, 20e édition. Donc petite dédicace aussi à Vincent, Nico. Donc, qu'on avait reçu avec We Play Mini la première année. Donc voilà, une petite édition. Donc c'est organisé par AFX, donc les anciens de Jarring Effect. Voilà, donc grosse dédicace, allez-y, il y a du son, gros boss. Donc par exemple, du jazz, hip-hop, bass music. Donc voilà, donc ça survole tous les sons, même jungle. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est du gros. Ensuite, vous avez Encore qui organise au Petit Salon ce soir. Ils invitent Acid Arab en live et puis Dina Abdelhamed et Zenobia live. On poursuit pour tous ceux qui sont fans de Rave, Free Party et compagnie, au double mix. Vous avez les collectifs Hérétique, SP23 et Narcotech qui organisent voilà, une grosse soirée spécialement dédiée. Donc un événement incontournable à faire et donc allez-y aussi. Et enfin, Beast to Fly, jeudi, les 7 ans du Beast to Fly, une petite dédicace à Nono aussi, donc 1er décembre, allez-y, on fait l'anniversaire, les 7 ans, bon, prochaine date, voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour l'agenda, on espère que ça vous a fait plaisir, plein de bons plans pour ce soir, on vous souhaite une très bonne fin de soirée, on vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Et on finit avec un petit son, donc Convergence, avec toute l'équipe. On vous remercie. Allez, à bientôt. Salut. It got you one time, a long, long time ago. But not a long time at all. Nobody gonna know. Don't be anybody in business. Everything you see, and everything you teeth, everything you shot, and 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.